Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Wake Up NBA, votre podcast hebdomadaire sur la NBA. Moi c'est Gus, très heureux de vous retrouver avec moi, mes deux comparses habituels, Vincent, Rémi. Salut les gars, comment allez-vous? Yo tout le monde, bah écoute ça va mieux. Ça va mieux? T'as fait ton deuil? Non, rien à voir. Non, hier j'étais un peu malade. J'ai fait une soirée avec des sauces piquantes. Mauvais bail, très très mauvais bail les gars. À ne pas reproduire chez vous. Ça fait mal au cul. Hein. Ouais, ça fait mal partout mec. Du coup, si vous êtes éliminé des playoffs, n'hésitez pas à vous faire des soirées Hot Wings et régalez-vous comme ça. Bon, il y en a peut-être un qui va te rejoindre bientôt. Vincent, comment ça va avec la série des Knicks? Pour l'instant, ça peut aller mieux, mais ça va. Une petite victoire cette nuit, donc on va pas se plaindre. On garde un peu espoir encore. Est-ce la remontada? On garde un peu espoir. On en parlera plus tard. Ouais. Après, prendre le petit match à la maison, c'est cool. Allez, on va en parler un peu tout de suite, tout simplement. Ah, on va y aller, mais bon, sortez tranquillement de votre lit. Faites couler le café, le reste, on s'en occupe. C'est parti. Et oui, on n'oublie pas les classiques malgré tout. Du coup, nous commençons avec, évidemment, ce petit tour du bracket de playoff. Oui, Rémi, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi la fureur? Non, vas-y, continue l'intro. Vas-y. Ouais, ok, pas de souci. Et donc, on commence à l'Est, évidemment, avec la série du Heat face aux Knicks de Vincent. Il y avait 3-1, il y a maintenant 3-2. Ouais, j'allais dire qu'on avait parlé de la série qui est en 3-2, justement. Ouais, parce qu'évidemment, il n'y a qu'une seule série. Ça me fait toujours marrer. Hein. C'est un running gag qu'il a depuis 3 jours. Hein. Exactement. Et Vincent, les Knicks qui ont pris le match 5, il fallait le prendre. Pour se donner un petit exactement, c'est un moindre mal. Ça m'aurait fait chier de prendre 4-1 en fait contre Miami. Même ouais. Si au final, il nous donne des leçons de basket hein, sur les matchs. On va pas se mentir. Sur le dernier, un peu moins. Mais on a eu Jalen Brunson qui a été sur une autre planète cette nuit. Donc forcément, ça aide. Mais ouais, c'est heureusement qu'ils ont pris celui-là à la maison. Ça entretient un peu l'espoir, même si j'ai peur que là, on va revenir à Miami. Je pense que c'est mort. Après, je me dis... Au moins, ça bataille. Exactement. Et je me dis qu'il y a un monde où, en fait, tu prends celui à Miami. Oui. Et bien là, en fait, ça relance tout parce que, du coup, tu as un Game 7 au Madison Square Garden. Et là, c'est complètement zinzin. Et t'as le momentum. Exactement. Parce que, du coup, tu auras gagné 2 matchs de suite. Donc, là, ça serait ouf. Après, moi, j'y crois que moyennement parce que Miami, il montre des choses quand même qui sont plutôt... Ouais, mais c'est un scénario qui est quand même pas impossible hein, parce que le dernier match, c'est pas impossible. Ça a bien joué. Hein. Ouais, c'est sûr que ça a joué mieux que ce que ça jouait depuis les 2-3 matchs là où c'était que des mauvais choix, que des individualités qui performaient, mais ouais. Tout seul tu gagnes pas. Ouais. Donc c'est pour ça là, c'est sûr que cette nuit ça a été mieux. On a eu droit à du Thibodeau basketball. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a quand même 2 joueurs qui ont joué 48 minutes. Ouais. Il y a 2 mecs qui ne sont pas sortis du terrain. Il y a eu que 3 joueurs qui changent rien. Après, moi, j'ai un peu de mal avec ça, moi. Ouais, moi aussi, j'ai un peu de mal. Après, je pense que Thibodeau s'est dit, en fait, je ne vais pas sortir Brunson parce que déjà, il était trop fort hier. Et en plus de ça, il a dû se dire, de toute façon, si je le laisse pas sur le terrain, ça se trouve, on se fait sortir. Donc, sur le principe, je suis d'accord. Quitte à prendre des risques, autant le laisser sur le terrain, en fait. Après, c'est sûr que du coup, ça va lui tirer sur la couette sur le prochain match et sur les prochains matchs. C'est des risques, il peut jouer une carrière. Quoi. C'est ça. Donc, Il y a de ça, mais il y a surtout, en fait, que toi-même, tu dois pas te mettre dans ces dispositions-là. C'est-à-dire que depuis le début des playoffs ou de la série, c'est à lui d'ouvrir un peu son banc, au moins un minimum. Quand l'écart est fait, que ce soit dans le bon sens ou dans le mauvais, pour pouvoir donner du temps de jeu et essayer d'avoir un banc plus étoffé, pour que quand tu arrives dans ces matchs-là où il faut peut-être élargir un peu parce que tu vas tirer sur la corde, en fait, c'était son seul choix de faire jouer Brunson 48 minutes, si tu veux. Alors que donner quelques petites minutes à certains joueurs en plus, même si ça se trouve, c'est que 5 minutes. Mais 5 minutes de repos pour un joueur, pour ton franchise player ou ton leader. Ça peut faire la diff pour une série entière. Donc pour moi, c'est un problème de... c'est Thibodeau, quoi. On sait comment il fonctionne. Et donc Quentin Grimes, à la limite, bon, il est jeune. Bon, après, faut quand même. Même le si faire, t'es mais... jeune, hein, c'est 48 minutes, c'est vachement dur. Et lui envoyer hein. 48 minutes sur un match de play-off. Après, c'est aussi que c'est pour moi, là, dans les matchs que tu regardes, c'est celui qui fait le plus chier Jimmy Butler. Au final. Ouais, très clairement. Je pensais que Josh Hart vraiment serait plus à même de défendre Jimmy Butler mieux. Et en fait, non, c'est Grimes qui s'en sort le mieux sur Jimmy Butler. Bah, l'envergure l'aide vachement. Mais dans ces cas-là, quand Butler il sort, tu le sors aussi, en fait. Si c'était uniquement ça. Ouais. Parce que hier, Quentin Grimes, il met que 8 points. Et dans le. Tu vois, il n'est pas dominant en attaque. Après, il a quand même. Non, c'est pas son rôle. Par contre, ce qui est bien quand même, c'est qu'il écarte un peu quand même les défenses parce que ça. Il est capable de mettre. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, il instaure un peu une peur. Et moi, c'est pareil, sur les premiers matchs, là, je me dis, où les Knicks, ils ont été catastrophiques au pourcentage sur les tirs à 3. Je me dis, en fait, pourquoi il n'a pas tenté de mettre genre un Evan Fournier, tu vois. C'est ce que j'allais dire. À ce qui paraît, il manquait un shooter côté New York et il y en a un sur le banc qui est dispo. En fait, c'est ça, tu vois. C'est ce que Vucevic a dit, en fait. Ils ont dit, Vucevic, il a tweeté, les Knicks mettent pas un 3 points. Il cherche un shooter, en fait, il y en a un sur le banc. Et il n'a pas tort, parce que même si, pour moi, Evan Fournier, il ne doit pas se cantonner à un rôle de shooter uniquement. Mais il peut le faire. Et qu'il est capable de faire plein de choses, c'est quand même un shooter fiable. Et que, pour moi, alors après, c'est compliqué de le lancer dans un match 3. Le mec, il n'a pas joué depuis 8 mois. Tu l'envoies dans un match 3 des playoffs. Dans le deuxième tour, bon, c'est pas foufou. Il aurait fallu, pour moi, lui donner des minutes avant. Et voilà. Ouais. Pour moi, il aurait dû faire en sorte d'ouvrir ce banc et nous, on veut voir Evan sur un terrain. Et c'est vrai qu'en termes de shooting, c'est intéressant. Mais il aurait dû le faire au match 4 lorsque Quickly n'a pas joué parce qu'il était blessé. Ouais, parce que comme ça, en fait, tu te mets un Evan Fournier en sortie de banc, même sur 15-20 minutes. Mais en fait, tu sais qu'il est capable de créer, de shooter, parce que du coup, la saison précédente, c'est le meilleur shooter à 3 points de l'histoire des Knicks en termes de 3 points marqués dans un rôle cantonné de shooter. Mais on sait que dans toutes les équipes où il est passé, que ce soit Orlando en EDF ou quoi, le gars est capable de créer. Et tu lui donnes pas cette chance-là au moment où ton 6e homme attitré se blesse. Pour moi, ça, c'est un manque de... c'est pas que parce que c'est Evan, mais c'est un manque de clairvoyance pour le coach. Ouais, mais à ce qui paraît, il y a des rumeurs comme quoi Evan il serait blessé, enfin comme quoi il y a ses genoux qui ramassent un peu et du coup c'est pour ça qu'il l'a sorti de la rotation. Je sais pas si c'est vrai, c'est encore des rumeurs. Dans quel cas il pourrait pas jouer en playoff, mais dans le cas où il est en bonne santé. Je suis entièrement d'accord. On n'est pas à l'intérieur du groupe, je suis d'accord. Ça fait 6 mois qu'il joue pas, quoi. Je suis d'accord, on n'est pas à l'intérieur du groupe. Mais en attendant, les choix ils sont là, il est en tenue, donc il a pas de bandage sur les genoux, il a pas de. Nous, ce qu'on voit dans les faits, en fait, c'est un joueur qui est capable de jouer. Et malheureusement, il n'a pas sa chance. Donc, c'est un peu dommage que sur ce match 4, il n'ait pas donné la possibilité à Evan ou à D-Rose ou à je ne sais qui de s'exprimer. Tu vois. Ouais. Donc, voilà. J'ai trouvé ça dommage. Mais malgré tout, tu as réussi à prendre le match 5. Et du coup, tu te retrouves au match 6 à Miami avec une. Tu sors d'une victoire. Et tu n'as rien à perdre. Et tu n'as rien à perdre. T'as rien à perdre. Dans tous les cas, t'étais mené 3-1. Donc fallait pas s'imaginer, faire un saut à l'élite, c'est chaud de remonter ça. Donc au pire des cas, là t'as pris le match 5, tu reviens à 3-2. Là, eux, les Knicks, ils ont rien à perdre. Donc au final, s'ils perdent, La saison est déjà réussie en faisant le upset au premier tour. La saison aura été correcte et voilà. Donc là, t'as plus rien à jouer. Enfin, t'as plus rien à perdre plutôt. T'as tout à gagner et du coup, si tu prends le match 6, derrière, tu t'envoies un petit match 7 au Madison et là, sur un match check, on sait ce que c'est un Game 7. À quel point t'es confiant là sur le Game 6, Vince? À quel point je suis confiant? Genre, t'y crois, mais bof, ou vas-y, en fait, c'est possible? Franchement, j'y crois. C'est dur. Ouais, en vrai, j'y crois à 40%. Tu vois. Mon ami, ça joue mieux. Hein. Et puis à domicile, ils ont les cartes en main maintenant. S'ils se loupent chez eux, même en se loupant chez eux, en soi, rien n'est fait. Hein. Ils ont été gagnés au Madison d'entrée, donc. Ouais. Donc rien n'est fait. Mais on verra bien. Moi, j'ai eu peur que ce match 5, malgré qu'il soit intéressant d'être pris par New York, c'est que Miami soit vu un peu trop avec de la marge et n'est pas forcé sur le match 5. Dans le contenu, j'ai eu l'impression que c'était ça. Je pense qu'ils se sont, j'ai eu l'impression qu'ils se sont un peu relâchés défensivement et qu'ils se sont dit, ouais, peut-être. Il y a 3-1, on peut peut-être voir venir, on joue peut-être pas à 100%, mais on joue quand même, ils ont perdu. Et j'ai peur qu'au retour au match 6 à la maison, ils te fassent en fait, ce qu'ils font depuis le début de la série. C'est-à-dire que dans tous les domaines, ils sont au-dessus des Knicks. Et que quand les Knicks reviennent un tout petit peu, et ben en fait, c'est déjà trop pour eux. Et ils ne peuvent pas raccrocher le wagon, même s'ils arrivent toujours à... En fait, dans cette série, c'est un peu marrant parce qu'on a l'impression que les Knicks sont jamais très loin, mais qu'ils sont déjà trop, c'est déjà trop haut pour eux. Ouais. Ouais, que la marche est déjà trop haute. Ouais, parce que bon, le dernier match, ils le gagnent, mais celui d'avant, à chaque fois, ils sont entre moins 2 et moins 10. Genre, ouais, ils sont pas très loin, mais sans réussir à faire le cap. Parce qu'il y a un coup de collier, une bonne relance de Kevin Love qui joue la carotte avec Butler, ce genre de choses. C'est des détails, hein, c'est con, mais en fait, ça te met à l'abri à chaque fois parce que tu sais te relancer quand t'as un petit run de l'équipe adverse et tu reprends direct un petit mat là. C'est pour ça qu'ils maîtrisent bien les timings pour créer les systèmes, pour refaire l'écart quand il faut et tout. Ouais, ouais, c'est compliqué côté New York de passer ce cap, en fait, le petit fossé que le Heat arrive à mettre depuis le début de la série, en fait. C'est ça. Après, tu vois, sur le match 2, ils avaient su l'exploiter et garder cette avance-là. Les Knicks, ils avaient eu un peu de réussite au tir, un peu de fake qui finalement, ils sont arrivés à être devant et ils ont maintenu ce truc. Ouais. Donc c'est pas incapable pour eux de le refaire, mais de ce qu'on a vu sur les 5 premiers matchs, le Heat a plus de prédispositions, et puis notamment parce que en fait dans les deux coachs il y a un vrai coach et l'autre qui est un vrai coach mais qui est pas vraiment un vrai coach. Ça reste un vrai coach quand même, mais il est particulier quoi, il a des convictions. Il s'enferme dans son truc et j'ai envie de dire il apprend pas trop de ses erreurs en plus quoi. C'est ça. Donc voilà, à voir ce que les Knicks feront face au Heat. Vincent, tu les vois quand même prendre le match 6 ou pas? Non. Petit instant pronom. Objectivement, non. Objectivement, okay. Je pense que ça finit à 4-2. Donc pour toi, c'est 4-2. Okay. Après, j'aimerais. Hein. J'aimerais vraiment. Parce que j'aimerais beaucoup voir les Knicks aussi prendre ce Game 6. Et avoir un match chez Thomas Edison, ça serait la folie. Ça serait, ça serait un truc de malade. Quand tu vois déjà les gens... après le game 2 dans les rues de New York, il y avait juste 1-1 dans la série. C'était un truc de malade mental. Là, si ça va au game 7, ça retourne la ville. C'est... Une semaine en arrière, j'aurais dit oui. Quand je vois comment on joue le Heat et ce qu'ils sont capables de faire, je pense que ça se finit cette nuit. Moi, j'y crois pas. Enfin, la nuit prochaine. Trop de mal à y croire. Ouais. Pour moi, ça va être Jimmy, il va mettre le couvert et terminer. Quoi. Ouais, ça finit à 4-2. Objectivement, pareil. De l'autre côté de la conférence Est, nous avons les Sixers qui affrontent les Celtics. Donc on s'est quitté sur un 1-1, il me semble, la semaine dernière. Ouais. Boston qui a pris le match 3 avec plus ou moins de facilité. Nous, on a joué du coup le match 4 toujours à la maison, à domicile. Quand je dis nous, c'est bien les Sixers, évidemment. On a joué dimanche soir le game 4. Avec un James Harden en feu, avec ses 42 points, qui nous envoie en prolongation avec un tir pour égaliser et qui nous fait un game winner à 3 points. C'était un très beau match à suivre parce que malgré tout, on n'est pas passé loin de. On est passé à quelques dixièmes d'un. 0-2 ou 0-3 secondes que Jalen Brown termine ça. Hein. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc ça aurait été. Je pense qu'on aurait été habitué, mais ça aurait peut-être évincé le shoot de Kawhi, remarque. L'ascenseur émotionnel à Philly, là, il devait être assez énorme. Il y avait toute la salle qui était en feu, ça s'est calmé, et c'était re en feu. C'était génial. J'étais fou devant ma télé. En tout cas, c'était un très beau match. Et donc, il y a 2 jours, nous avons eu donc le match 5 au TD Garden, avec une performance magnifique des Sixers, qui ont su step up défensivement. Ils ont recentré leur jeu autour d'Embiid, qui a malgré tout eu un peu de maladresse sur certains tirs que d'habitude il marque régulièrement, parce que sa ligne de pour son pourcentage au tir, il a beaucoup forcé, j'ai trouvé, hein. Assez faible. Ouais, sauf qu'en fait, il a pesé, il a provoqué beaucoup de fautes, et en fait, malgré tout, même si c'est un pourcentage au tir un peu dégueulasse, il met quand même ses 30 pions. Donc, pour moi, c'était un bon choix de revenir sur ce système-là. En plus de ça, on a profité que les Celtics ne mettaient pas dedans. Alors Ford, il fait un 0 sur 7 à 3 ouais. points. C'est pas du tout son registre. On a su exploiter tout ça, jouer en transition de manière assez... on les a bien sanctionnés en transition, ouais, pardon. Avec Tyrese Maxey qui a fait un super match. Harden plus gestionnaire, un peu en difficulté en termes de création de shoot. Mais malgré tout, ça frôle le triple-double. 17 ouais, points, il rebondit passe. Et sans forcer, parce qu'il a pris que 8 tirs. C'est ce que je dis. C'est... Ouais. En fait, mais il a très bien défendu. Il met plus de 40 points Game 4, donc Game 5, évidemment, les Celtics, ils n'allaient pas le laisser shooter, évidemment. Donc tu resserres la défense, mais derrière, il connaît bien son rôle, il redistribue le ballon, il gère, et très bien joué. Et moi, ce que j'ai apprécié sur ce Game 5, en continuité du Game 4, c'est qu'on a réussi à maintenir Tatum dans un mauvais début de match. Game 4, il fait un 0 sur 9 pour commencer, et là, il fait un 1 sur 7. Et j'avoue que défendre sur Tatum comme ça... dès le début du match, pour faire en sorte qu'il galère à remonter, ça te met dans de bonnes dispositions, parce que derrière, il doit retrouver la confiance, même si au final, il l'a très vite retrouvé, un Tatum sur le match 5. Mais ça reste intéressant de limiter les deux joueurs All-Star à des pourcentages un peu moyens, ou médiocres pour certains matchs. En plus de ça, quand nous, dans notre rôle, on a bien, avec tout, Tobias Harris... on a Doc Rivers qui nous a sorti un petit Daniel House qui a mis le feu dans la défense des Celtics, qui a bien aidé sur le match 5. Enfin, vraiment, on a eu. J'étais vachement surpris de ce match 5. J'y croyais peu. Je l'ai regardé parce que c'était important de le voir. C'était un match important dans la série, mais je pensais pas qu'on allait aussi bien jouer. Et j'avoue que en fait, ça m'a remis un peu de sérénité sur cette série et je peux nous voir prendre le match prochain en fait. Je suis 100% d'accord avec toi. Je t'avoue que peut-être que j'ai un peu surestimé Boston. Parce qu'ils ont fait une saison régulière trop bonne ou dans laquelle ils étaient trop sereins. Et en fait, dans ces playoffs, j'ai l'impression que ouais, y a un manque de sérénité, il y a un manque de sérieux aussi. Et j'ai vachement moins confiance en eux aujourd'hui que je l'étais il y a encore quelques semaines. D'ailleurs, on l'avait vu déjà contre Atlanta, que des fois, le collectif, il pêchait un peu. Surtout défensivement. Vachement contre Philly. Et Philly, derrière, par contre, ça exécute encore mieux que ce que j'aurais pensé. Ouais. Donc c'est très très cool pour Philly. Vincent. Ils sont vraiment pas rassurants, en fait, sur ces playoffs, je trouve. Que ce Boston, t'en as parlé. Boston, bien sûr. Sur le premier tour, ils nous ont fait, enfin, pas peur, mais ils ont perdu des matchs qu'ils auraient jamais dû perdre contre Atlanta. Et là, en fait, j'ai l'impression que c'est pas la même identité qu'ils ont d'habitude, en fait. Tu vois, j'ai l'impression qu'ils sont plus aussi forts, aussi présents. Plus aussi collectifs, moi, je trouve. Ouais, c'est ça, en fait. Que ce soit offensivement ou défensivement, même. Ouais. Des deux côtés moi, c'est surtout défensivement que ça me choque. Et ça se ressent. Moi, je me demande si les rumeurs qu'il y a autour de Jaylen Brown, d'un possible départ et tout cet été, etc., je me demande si ça joue pas un peu là-dedans. À part ça, en fait, je vois pas ce que ça pourrait être. Mais ouais, assez surprenant de la part de Boston, je trouve. J'avoue que je m'attendais à mieux. Et d'une certaine façon, j'espère qu'ils vont prendre le Game 6. Désolé, Gus. J'ai envie de voir les Sixers passer, parce que pour moi, ils le méritent, ils jouent mieux. Mais vas-y, Boston, j'ai envie qu'ils aient un peu plus de répondants. Là, le Game 2, où ils avaient foutu vraiment une vraie branlée à Philly, parce que ça avait vraiment bien exécuté. Là, c'est le Boston qu'on connaît, qu'on a vu en saison régulière. Mais sur le reste, je sais pas où ils sont. En fait, dès que le match est un peu serré, et c'est la même chose qu'ils ont fait face à Atlanta, c'est que dès que le match se resserre, eh ben, ils jouent beaucoup. Enfin, ils sont pétrifiés, on dirait. Ouais, défensivement, ils sont pas aussi autant capables que la saison dernière de faire des grosses défenses dans les moments importants dans le Money Time. Et du coup, bah, en fait, l'équipe adverse, elle est en pleine confiance parce qu'elle sait que si le match est serré, ils vont avoir les opportunités. Tu vois, c'est con, mais sur le game winner de Harden, à aucun moment, c'est forcé de doubler Joel Embiid à cet endroit-là du terrain quand il a arrêté son dribble. Non, clairement. Bah, Jalen Brown, d'ailleurs, il l'a dit, comme quoi il a fait une erreur. Mais en même temps, ça peut se comprendre aussi de... Oui, c'est sûr. Ça peut se comprendre de doubler sur Embiid, mais c'est une connerie qu'ils n'auraient pas fait l'année dernière, tu vois. Et en fait, le truc, c'est que il y a eu des choses qui sont sorties après ce match 5, comme quoi, en gros, la responsabilité de Mazzulla aurait été remise en cause. Parce qu'en fait, apparemment, ça aurait été les... Donc, c'est même pas le front office qui aurait décidé. C'est Tatum et Brown qui auraient demandé à ce que Mazzulla soit mis sur le banc de coach. Et du coup, en fait, ce serait un coach qui est là juste parce que ses stars l'ont voulu Et ce serait pas un coach avec des idées, même si bon, il faisait déjà partie du staff, si tu veux. Mais en fait, dans la saison régulière, le coach était vraiment d'être ridicule. Hein. Non, j'ai pas dit que c'était un mauvais coach. J'ai dit que c'était un joueur qui avait d'abord été un coach qui avait d'abord été validé par les joueurs, parce que c'est copain-copain et que tu vois. Et en fait, du coup, quand tu arrives sur les playoffs, c'est autre chose que la saison régulière. Et à certains moments, bah, si Tatum il dit celui-là, non, je veux prendre ce tir-là, si le coach il a décidé autre chose ou dessiné autre chose, bah, il va pas avoir le choix de laisser Tatum, tu vois. Ouais. Après, c'est du coaching, c'est relation joueur-coach, mais ouais. Forcément, ça joue, tu vois, dans la tête. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Donc voilà, pour cette série. Petit prono du match 6, du coup. Moi, je vois victoire des Sixers cette nuit. Donc, pour ceux qui écouteront l'émission en ce vendredi, eh bien, vous aurez la réponse déjà. En tout cas, moi, t'es devant, Gus ? Comment ? T'es devant le match ? Je serai devant le match. Let's go. On sera deux. Allez, parfait. Eh ben, on sera même trois, je pense, les mecs. Allez. Et en tout cas, il y aura 4-2 pour les Sixers. Ouais, je pense que si les Six... En vrai, moi, j'ai peur que si les Six le prennent pas là... En fait, c'est la même... Pour moi, c'est un peu la même optique que Miami. C'est-à-dire que c'est le même scénario sur toutes les séries. Hein. Exactement. Donc, c'est-à-dire que si là, ça gagne pas, c'est fini. Bon. Bah, c'est fini, surtout. Voilà. Il y a 3-2. Ils ont pas le choix. Non, mais, non, mais si les Sixers gagnent pas... Ah, pardon. Oui. À mon avis, Boston peut prendre les deux de suite. C'est plutôt ça que je veux. Ah, bah oui, parce que derrière, derrière tu vas jouer au TD Garden le Game 7, c'est pareil, c'est compliqué de s'aller s'imposer là-bas. Bah, c'est ça le problème. Donc, pour moi, Philly a intérêt de le prendre ce soir, sinon, aller chercher un match-up au TD Garden. Bah, en tout cas, moi, le match 5 m'a rassuré sur cette optique-là. Et je pense qu'ils sont capables de le faire quand l'équipe joue comme ça, quand Tyrese Maxey prend ses responsabilités, quand Embiid joue comme ça, provoque. Et évite de prendre des shoots un peu aléatoires. Et quand en fait tout le monde est dans le même mouvement, si tu veux, moi je vois peu d'équipes nous battre en fait dès qu'on est un peu installé en fait. Et surtout quand on est capable de step up défensivement, chose que les Celtics ne savent pas faire, enfin n'ont pas su faire à chaque match. Donc, ouais, ça je suis voilà. Bien d'accord avec toi. On passe du coup de l'autre côté. Ah non, oui Rémi, t'es là, c'est bon. Est-ce que t'as donné ton pronostic Rémi? Désolé, je viens de revenir. Désolé pour l'absence. Ouais, moi aussi, je pense 4-2 Sixers. Pour moi, ça joue mieux au basket. Mais attention à Boston, en vrai, c'est pas impossible que ça revienne. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Game 6. En fait, là, ils sont dos au mur, Boston. Donc, ils ont pas le choix. Là, c'est maintenant qu'il faut tout donner. Dans l'optique où Jalen Brown va peut-être partir cet été, il faut tout donner maintenant et voir ce que ça donne, en fait. Donc, je vois quand même les Sixers gagner la série. Mais ouais, 4-2 quand même. Mais j'ai envie que Boston réagisse. Pour la beauté du sport. Je pense que le prochain va se faire couper le trèfle sous le pied. C'est une belle image. C'est une belle image. On passe à la conférence Ouest avec du coup Denver face aux Suns. Denver. Et... Oui. Et du coup, en fait, là, c'est la seule série Denver Suns où en fait le score est logique entre guillemets. Victoire à domicile pour chaque. Voilà, c'est ça. Ouais. Toutes les équipes gagnent à domicile. Sur les trois autres séries, en fait, l'équipe la moins bien classée a à chaque fois repris l'avantage du terrain. En fait. Ouais. Donc là, c'est la seule où c'est la série est à peu près logique. Du coup, oui, 3-2 pour Denver. Jokic a été incroyable sur les deux derniers matchs, avec une performance dans le Game 4 légendaire. Oh, oui. Je rechoppe ça tout de suite. Impressionnant. Hop là, je rechoppe ça tout de suite. Hop, je retrouve ça. Ah, c'était pas celui-là. Vous pouvez compléter sur 53 points, 11 passes, 4-2. Incroyable. Sur le match 4. Même sur le match 5, ça perd, c'est pas mal non plus. Mais ça perd. Mais ça perd. Mais sur le match 4, ça perd. Sur le match 5, ça gagne. Ouais. Avec un match en 29-13-12. 29 points, 13 rebonds, 12 passes. Sympa le mec. Donc en fait, il faut qu'il soit plus collectif s'ils veulent gagner. Parce que des fois, il pas très... des fois, il y a des matchs où Jokic n'est pas collectif, apparemment. Dans les stats, ça se lit comme ça. Jokic, c'est un stat padder, Askip. Askip, c'est un stat padder. Westbrook-like. Non, moi, ce qui m'impressionne, c'est le niveau de Jamal Murray. Parce que Jokic, je savais qu'il pouvait. Enfin, on sait qu'il peut jouer comme ça. Jamal Murray fait une série. C'est monstrueux. Des deux côtés, en plus. Hein. Des deux côtés, et en attaque, il se croise sur un playground, il fait des passes dans le dos, et c'est toujours bien senti. Je trouve qu'il est méga propre. Et il sait mettre des tirs clutch. Il trash talk. Il s'est pris une petite technique, d'ailleurs, pour ça. Bon, il a fait un mauvais geste aussi sur Landry Shamet. Hein. Ça, on n'aime pas trop voir ça sur un terrain, avec la petite manchette, là. Mais Kedler n'a pas été sanctionné par les arbitres. Mais ouais, c'est les playoffs après tout, hein, donc bah, c'est normal que les esprits s'échauffent. Et moi, je suis méga séduit par le niveau qu'a retrouvé Jamal Murray. Et ça fait plaisir de le voir à ce niveau-là depuis sa blessure. Quoi. Et ouais, enfin, dans des matchs. Avec toi. Moi, je suis pas surpris parce que c'est mon poulain depuis le début. moi, j'avoue, ce qui me surprend bien, c'est que Jokic est le leader que j'attendais de voir sur ces playoffs. On connaît son niveau, il est trop fort et tout, mais là, il y a un vrai leadership qui, je trouve, manquait auparavant. Et là, je trouve que c'est vraiment le bon leader. Genre, t'as envie de le suivre jusqu'au bout. Ouais. Et je suis fan. Genre, j'étais pas du tout confiant en Denver dans mon bracket au début de playoff. Je le suis tellement plus quand je les vois jouer comme ça, là. C'est impressionnant. Pour moi, malgré tout, c'est l'équipe la plus sereine de ces playoffs. Ouais, je suis assez d'accord. Je les mets dans la conversation avec Philly, tu vois. Mais ouais, je suis assez d'accord. Je nous mets un cran en dessous quand même. Mais ouais, Denver, en fait... L'avantage du terrain, déjà, côté Denver, ça aide. Oui, c'est sûr. Et puis même, c'est con, mais la confrontation face aux Suns, même quand t'as perdu, t'as fait des très bons matchs, en fait. C'est pas un match où t'as déjoué, tu vois. C'est juste, en face, il y a KD et Booker, quoi. Donc, ouais, c'est ça, tu perds parce que, vas-y, Booker, il a pris un coup de chaud et en fait, c'est compliqué à gérer, quoi. Et à un moment, tu prends un 12-0 et... Ça fait quand même un mois qu'il est en chaleur, du coup, le mec. Ouais, non, mais en vrai, le mec, sur sa playoff, il est vraiment impressionnant. D'ailleurs, mais du coup, c'est compliqué à gérer tous les soirs, forcément, c'est logique. Je sais plus à quel moment de la série, mais il y a une stat qui est sortie, il n'y a que Michael Jordan qui a marqué le plus de points sur une campagne de playoff au moment où ils ont sorti la stat, donc je crois que c'était juste après le match 4. Après 10 matchs, je crois. Ouais, et bah il n'y a qu'une seule personne en NBA dans l'histoire qui a fait ça, c'est Michael. Au mieux, c'est Michael Jordan. Quand tu t'assois sur une table avec Michael, c'est quand même pas dégueu. Quand tu dînes en tête à tête avec Michael, c'est encore plus. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que des fois, t'es dans les tables et t'as Michael, t'as Will Chamberlain, t'as Larry Bird, t'as des machins et t'as des fois, t'as un Danny Green dans la table, c'est pas ce qu'il faut. T'as 20 mecs. Là, t'es en tête à tête avec Michael, c'est pas dégueu en général. Ouais. C'est clair. C'est clair. Vincent, t'en penses quoi de la série, toi? Bah, après, en même temps, on l'avait bien précisé au début, c'était une série d'attaques. Parce qu'en fait tous les soirs il y a quand même il y a pas 200 points non plus, mais je veux dire que c'est quand même les attaques qui priment. Voilà, exactement. Les matchs que Phoenix y gagne, c'est quand Durant et Booker en mettent 30 chacun. Quand Jokic en a mis 50, ils ont perdu. Mais je veux dire, en fait, c'est les attaques qui priment, et pour moi l'équipe qui va gagner, ce sera l'équipe qui la butera vraiment plus en défense. Bah jusqu'ici, c'est Denver quand même qui défend le mieux, je trouve. C'est ça. Et ben, c'est pour ça que Denver est devant pour l'instant, en fait. Ouais. C'est clair. C'est clair. C'est un bon résumé, en soi. C'est vrai que... Bah, tu vois, tu parlais de Jamal Murray au début, c'est vrai que l'apport défensif qu'il a, notamment sur Booker, ça aide. Malgré que le mec est quand même en feu, hein, mais ça aide. Et en fait, tu sens que Denver, il y a une vraie volonté de vouloir défendre, que j'ai du mal à retrouver côté Phoenix. D'accord avec ça. Parce que malgré tout, des fois, ça prend l'air, enfin, ça prend l'eau. Mais en fait, ils se sont donnés, tu vois. Ils ont fait l'effort. Mmh. Alors, des fois, c'est une aide qui ne vient pas ou quoi. Mais dans la volonté, toute l'équipe s'est bougé le cul, tu vois. Ouais. Et puis, aussi, tu as des mecs incroyables en face qui peuvent rentrer n'importe quel tir. Donc, forcément, des fois, tu prends l'eau, mais c'est pas de ta faute. Et aussi, même, tu vois, c'est con, mais l'apport athlétique de Michael Porter Jr. qui est en train de nous faire une fin de série, là, sur les deux derniers matchs, il est bouillant. Il a mis 14 points dans le premier quart au match 5. Donc pour lancer le match, c'est parfait, tu vois. Et puis quand c'est comme ça, t'inquiète, tout le monde le trouve, hein. Jokic ou pas, Jokic, il lui envoie des passes des. Enfin, c'est ça que j'aime, c'est ce collectif. Ouais. Puis encore une fois, on l'avait répété encore la semaine d'avant, mais Aaron Gordon en défense, c'est... Je pensais pas qu'il allait avoir ce niveau-là défensif quand on l'avait vu jouer à Orlando. Bah, aujourd'hui, vraiment... Il mérite sa place dans une équipe. En fait, c'est clairement pas le même joueur qu'Orlando. Mais vraiment. Ah non, ça n'a rien à voir. Moi, franchement, à Orlando, c'était le mec. Si je devais tuer un joueur NBA, c'était Aaron Gordon que je te tue. Vraiment. C'était le mec que je ne pouvais même pas encadrer tellement il me faisait vomir quand je regardais les matchs. Il était bon que pour le slam dunk. Et en plus de ça, quand il est joué à Orlando avec Evan Fournier, qu'il y avait des plays où Evan Fournier, il n'avait pas la boule, que c'était l'autre qui prenait 24 secondes la boule et qui prenait les shoots, et que j'avais envie de l'insulter sa grande sœur. Tu vois ce que je veux dire? Là, il a carrément changé de rôle, en fait. Il a compris son rôle, que c'était un mec qui était capable de défendre, parce que forcément, hein, t'as vu physiquement comment il est le mec, ah bah, il s'assaute, ça défend, c'est dur. Et qu'en attaque, il prend les miettes, en gros. Il prend les miettes de Jokic Murray Porter, en fait. Ouais, mais il a des bonnes miettes, au final. Hein. Il a des bonnes miettes, et surtout, il mais les utilise bien. Il a des bonnes miettes parce qu'il joue avec Nikola Jokic aussi. Oui, non, mais bien sûr. Et je pense que les miettes de Nikola Jokic, c'est plus facile de les avoir que les miettes de n'importe quel autre joueur de la Ligue. Mais n'empêche que, tu vois, même s'il prend des miettes, en fait, c'est quand même un joueur à surveiller, parce que si Jokic s'écarte de la raquette, et qu'il y a un écran avec Aaron Gordon, il rentre avec de la vitesse, t'es obligé de le stopper, en fait. Parce que tu sais que si le mec il est en l'air, c'est foutu. Ah bah oui, c'est sûr. Tu parles de miettes, petit point stat, donc en gros, il rentre 45% de ses shoots en prenant 11. Et à 3 points, il est à 43%. Il en prend 3. Et il met 14 points de moyenne quasiment. Ratio tir pris, point marqué, c'est énorme. Ouais. Sur 37 minutes de moyenne. Et là, sur le match 5, par exemple, c'est lui le plus gros plus-minus de son équipe. Il a plus 27 de plus-minus. Et en moyenne sur la série, côté Denver, c'est le plus gros plus-minus. Donc ça montre son apport aussi des deux côtés du terrain et dans sa volonté de créer et de défendre et de servir ses coéquipiers, quoi. Donc ça, c'est vraiment cool d'avoir un mec dans cet effectif. Et je trouve que le fit est vraiment bon avec Jokic. D'ailleurs, je viens de voir ça, mais sur la série, tout le starting five des Suns est en négatif au plus-minus. Aïe. Ouais. On voit une équipe qui défend et l'autre non, quoi. Ouais, c'est clairement ça. Après, forcément, que jouer avec Jokic et dans le profil qu'il a, c'est hyper intéressant parce que quand on sait que Jokic, il s'écarte, il peut s'écarter, machin, mais qu'il n'a pas du tout ce côté athlétique, qu'Aaron Gordon, c'est tout l'opposé, en fait. Mm. Même s'il peut s'écarter aussi, mais c'est ultra complémentaire, en fait. Et puis, t'as Gordon en 4 qui a ce rôle-là, et puis sur la poste 3, t'as Michael Porter Jr. qui est pareil, qui est ultra athlétique. Il est comparé à KD dans sa morphologie. Enfin, c'est top d'avoir ce front de courte là côté Denver et surtout que ça performe à ce niveau là. Enfin, c'est ultra rassurant. Mais moi, le truc qui m'agace côté Suns, et d'ailleurs dans beaucoup d'équipes NBA, c'est qu'en fait sur n'importe quel écran, ça switch en défense. Et en fait, ça fait pas les efforts physiques. Alors qu'on a des vrais athlètes hein, côté Suns, attention. Mais en fait, ils font pas les efforts parce que c'est plus facile de switch. Sauf que quand t'as un Booker qui défend sur Jokic, c'est finito. Hein. On a vu l'action là où il y a Booker qui essaye de retenir Jokic au poste haut et Jokic il prend un shoot un peu chelou, mais ça rentre direct, ça fait ficelle. Et derrière, il a le N1. Bah ouais, sauf qu'en fait, à quel moment Booker il défend sur Jokic? C'est pas normal. Ouais. Faut faire l'effort, en fait. Tu peux pas laisser ça comme ça, c'est sûr. D'ailleurs, petite info, pour le match 6, Chris Paul sera finalement absent. Ouais. Donc, il va avoir manqué 4 matchs, en gros. Sans surprise, on savait que ça allait être réévalué aujourd'hui et ça a été annoncé. Mais d'ailleurs, son absence, ça se fait ressentir. Hein. Ah bah oui, c'est clair. Parce que autant il se faisait cibler en défense, ça c'est sûr. Mais par contre, en attaque, il y avait un vrai collectif qui, là, ça manque un peu. Hein. Il y a beaucoup moins de ball movement. Ça joue beaucoup plus en one-on-one. Donc, notamment Booker et KD. Oui. Et même, je trouve que les autres joueurs, les role-players, sont moins bien servis et sont moins impliqués dans l'attaque. Que ce soit pour créer des décalages ou sur des drives ou quoi, je trouve que ça, dans le jeu, ça manque beaucoup de fluidité. Mmh. Et donc, si tes deux stars font un non-match, même si bon, des non-matchs de Booker et KD, c'est des matchs OK, tu vois. Mais s'ils ne sont pas à 60% au tir, c'est compliqué pour les Suns, en fait. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, c'est aussi à Monty Williams de réveiller un peu ça et de créer les systèmes qu'il faut, quoi. Oui, ça c'est le rôle du coach. Mmh. Et peut-être qu'il montre ses limites aussi, parce que avec un KD qui vient d'arriver, créer des systèmes autour d'un mec qui potentiellement peut conclure chaque action, et surtout, tu lui donnes la balle et il fait ce qu'il veut, c'est peut-être, ça se trouve, tu te dis, c'est peut-être une meilleure option de faire ça, plutôt que de créer un système pour avoir un shoot ouvert de tu ne sais qui, tu vois. Ouais. Donc, d'ailleurs, on parle de coach Mike Malone, voilà. Ses rotations sont parfaites, ses timings sont parfaits. Non, vraiment, Denver, comme tu disais, je reviens sur ce que tu as dit tout au début. Ouais, c'est l'équipe la plus sereine sur ses playoffs. Ouais, hein, exactement. C'est vraiment les plus sereines. Allez, petit prono. Petit prono pour le match 6 qui a lieu cette nuit. Donc, vous aurez le résultat en écoutant. Moi, je dis Denver en 7. Moi, je dis Denver en 7 aussi. Pour moi, toutes les équipes vont enfin, sur cette série-là, en fait, les équipes vont gagner à domicile. Point. Ouais, on respecte la logique et c'est à domicile que tu gagnes seulement. Et bah, pas moi. Moi, je veux une victoire de Denver cette nuit. Ok. Sur le parquet des Suns. Qualification en finale de conf. Plus que mérité. Oui, clairement. Et c'est clair. Il nous reste qu'un seul match, les gars, à voir. Et non. Enfin, un seul match, une autre série. Une seule série. Qui est aussi en 3-2, évidemment. N'est-ce pas, Rémi? Ah oui. Et... on termine par une série en 3-2, je l'avais annoncé. C'est dingue. Hein. Et donc, les Warriors qui affrontent les Lakers. 3-2 pour les Lakers. Il y avait 3-1 pour les Lakers. Les Warriors ont quand même pris le match 5. Avec un. En fait, dès KD a du mal, les Lakers perdent. On peut dire ça comme ça. Ouais, c'est ça, ouais. Pour résumer le match 5. AD sort un demi-carton, les Lakers perdent. Bah, ils ont pris l'eau. Sur ce carton, ils ont chopé un écart que les Warriors ont. Il y avait déjà 10 points d'avance au moment où ils sortent. Oui. Mais bon. Donc, en vrai, les Warriors ont quand même dominé le game. Parce que AD passe à côté de son match. Avant même qu'il ait mal, là, il passe à côté. Oui, sauf que s'il est sur le terrain, il peut ramener le match aussi, tu vois. Bah, c'est ça, ouais, exactement. Parce qu'en fait, depuis le début de cette série, c'est Anthony Davis. De toute façon, on l'avait dit avant, pour moi, les Lakers sont Davis dépendantes. Parce qu'en fait, l'impact d'Anthony Davis est trop important en défense. Bah, clairement, tu l'as dit tout à l'heure, bah, c'est le deep boy. Il n'a pas le trophée, mais en fait, bah, ouais, c'est lui le meilleur défenseur de la ligue, c'est indéniable. Genre, ce qu'il fait en défense, c'est juste trop fort. Et offensivement, bah après, en plus de ça, les Warriors, ils ont personne pour l'arrêter, donc c'est compliqué. Mais il fait trop mal. Et du coup, bah ouais, s'il passe à côté de son match, c'est compliqué. Mais la plupart du temps, il est quand même dans son match. Ah bah, sur la série, globalement, Vincent, tu peux confirmer, mais oui. Bah, heureusement qu'il est là, parce que il est plus que présent. Sans ça, mais en fait, moi, je le dis depuis le début, en fait. Tout va défendre d'Anthony Davis pour les Lakers. Si Anthony Davis, il est là. En fait, il n'y aura pas de souci et tu verras que ça va aller loin, voire même, pour moi, aller chercher le titre, en fait. C'est... En fait, il est tellement... ce mec-là est tellement fort que quand il est là, en fait, bah, à côté des joueurs qu'il a, l'équipe, elle a quand même changé au cours de saison et là, l'équipe, elle est pensée pour gagner, en fait, quand même, si Anthony Davis est là. Mais en fait, si lui, il n'est pas là, bah, c'est sûr que là, je pense que si, par exemple, il ne joue pas les deux derniers matchs, bah, les Lakers, ils passent même pas le prochain tour alors qu'ils menaient 3. Ouais. Ouais, puis en plus, il y a toute l'équipe qui se met au taquet, tout le monde se met au galop pour entrer dans la série et faire son taf. On a vu Lonnie Walker au game 3. Au game 4. Au game 4. Ouais. On a vu Lonnie Walker, dernier carton, mais what the fuck. Qui peut voir venir ça, quoi. Ouais, de ouf. C'est un délire. Ouais, et alors que le mec, bah, je vais pas dire, il joue pas depuis X temps, parce que si, mais en vrai, il a pas les responsabilités comme ça. Et il a surpris tout le monde. Et bah, d'ailleurs, il va dans des premiers, a priori. Et, ah bah, et ils c'est ont pas juste... pu s'adapter. Bah normal, mais normal en même temps. Quand t'as le 8ème joueur de la rotation, j'exagère, mais quand t'as le 8ème joueur de la rotation qui rentre sur le terrain et qui te lance 15 points de l'arcard, bah tu peux pas t'adapter. Hein. Tu peux pas t'y attendre et tu peux pas t'adapter à ça, forcément. C'est clair. Y a un truc assez révélateur. D'un côté, les Warriors, ils sont. Comment dire, leur marque est pas assez bien répartie. Chose qui pouvait être le cas les années précédentes. Et en fait, du coup, ils ont que 3 joueurs qui dépassent les 10 points. Alors que côté Lakers, il y en a 6. Et ça montre qu'en fait, bah, t'as trop de solutions d'un côté. Et de l'autre, c'est un peu à court d'idées par moment. Ouais. Je trouve. J'ai cette impression-là. Parce qu'en fait, LeBron, bah, tu vois, tu parles de Lonnie Walker. À ce moment-là, LeBron et Davis, ils le laissent jouer. Et, ouais, et limite, ils s'écartent, tu vois. Quand LeBron fout un run parce qu'il s'énerve un peu et qu'il retrouve ses jambes de 20 ans le temps d'un carton, bah, ça déroule forcément. Quand c'est Austin Reeves qui va planter des tirs, qui peut mettre, ça se trouve, il peut te foutre 6-7 points consécutifs parce que le gars est trop chaud et qu'il y a une fille assez mignonne au bord de terrain, donc le mec il se chauffe. Schroeder qui apporte sur le banc sa vitesse, et je trouve que défensivement, ouais, il se fait pas trop cibler, il arrive à bien se débrouiller, et en plus de ça en attaque, bah, on sait que Schroeder c'est un mec important. Enfin, pour moi, puis Schroeder il remplit bien son rôle parce que les Warriors ils ont du mal à le garder, hein. Comme tu dis, ouais, avec sa vitesse, il est relou, hein. même Curry a du mal, et pourtant, on sait que dans ce registre-là, Curry, il sait quand même défendre les mecs rapides. Ça, c'est aussi sa marque de fabrique, tu vois. Donc, oui. C'est qui les trois joueurs côté Warriors qui sont à plus de 10 points? C'est Klay Thompson, Andrew Wiggins et Stephen Curry. Curry. Évidemment. Parce qu'on a eu quelques bons matchs de Draymond Green, qu'on fait la diff d'ailleurs, hein, c'est les matchs qui gagnent. Bah là, c'est le match 5. 20 points d'hier bon pour Draymond Green. Ouais. Ouais. Donc, pas très dégueu. Gros match de Draymond Green. Mais du coup, ouais, je me demandais s'il était au petit point ou pas. Okay. Non, il est à 9-4. Ok. Quasi. Mais il ne l'est pas. En tout cas, c'est pareil. Moi, je suis assez surpris de ça. Quoi. Les Warriors sont trop Curry dépendants aussi, en fait. Oui, mais ça fait des années. Ouais, c'est sûr. Mais du coup, en fait, tous les ans, enfin, alors après, il nous sort des matchs de. Enfin, on sait qu'il est trop fort. Et... Sauf qu'en fait, y a quand même plus d'adaptation sur Curry. Ouais. Que par exemple sur Anthony Davis ou les Warriors. Ils ont des mecs à foutre en défense sur Curry. C'est ça en fait. Tandis que des Warriors, ils ont rien à mettre sur Davis. Rien. Tu peux pas. Draymond Green est trop petit. Mais enfin, même si. Les gars, trop juste physiquement. Ouais, trop juste physiquement. Non, mais c'est technique, pas assez long défensivement. Kevin Looney, il va pas assez vite. Non. Et en plus de ça, si Looney se fout dessus, Davis va forcer à le sortir et ça va créer des trous dans la défense, ça va être l'enfer. Ouais. Donc non, c'est. Et c'est pareil en fait. Si les Lakers passent ce tour et que derrière ils jouent Denver par exemple, va falloir quand même trouver des solutions pour défendre sur Davis, tu vois. Bah ouais. Parce que même si Aaron Gordon, il est plus petit. Hein. Aaron Gordon, il est plus petit. Même si je pense qu'il va sûrement plus faire chier. Il va plus le faire chier, Davis, parce qu'il est quand même mobile et tout, Gordon. Mm. Mais par exemple, Jokic, il ne peut pas défendre Davis. Non, clairement. Donc, par contre, Davis, il peut défendre Jokic. Voilà. Ça, par contre, oui. C'est là, la solution, le côté Lakers, c'est Davis, tu vois. Ah bah oui, t'as pas été tranquille. Tu réfléchis même pas. Ah bah, c'est pas Wendell Gabriel, hein, ça, c'est sûr. Ah, il nous sort des refs. Mais en tout cas, pour revenir sur la série, très très peu serein côté Warriors. Je suis content qu'ils aient pris ce Game 5. Parce que, vas-y, un peu de répondance. Les champions en titre, tu peux pas te faire gentleman sweep comme ça. Mais j'ai du mal à. Ouais, la probabilité qu'ils passent, je pense que personne ne les voit passer. Hein. Non. En fait, pour moi, c'est pas les Warriors qui déjouent, c'est les Lakers qui sont trop forts. Moi, je pense que c'est les deux. Ouais. Ouais, pas tant que ça. Hein. Moi, je pense que c'est les deux, parce que tu vois, il se fait énormément critiquer, et j'ai envie de dire aussi, c'est à juste titre, mais Jordan Poole, c'est pas normal. Oh, j'arrive pas à comprendre. Lui, il est déjà en vacances. Ça, c'est une désillusion, tu vois. Tu vois, exactement. On savait que c'était compliqué pour Poole d'être mis sur le terrain, parce que défensivement, il se fait cibler à chaque fois, mais en attaque, d'habitude, il doit faire. Non, mais les shows offensifs, ils vont pas. Tu peux pas prendre que des shoots de 9 mètres. Quand t'es on fire et tout, ok, même si t'as des points d'avance ou j'en sais rien. Mais en fait, quand tu prends que des shoots à 9 mètres, la probabilité qu'elle rentre, elle est quand même vachement plus faible. C'est normal. Et en fait, tout juste, en il est rapide, drive, ou j'en sais rien, mais... Surtout quand t'es pas en confiance. Va chercher des fautes, va chercher des lancers, un petit lay-up, des choses qui te mettent en confiance pouvoir réussir tes tirs que tu veux faire. Ça, mets-toi en rythme et voilà. Même à 9 mètres, en vrai, je sais pas, même dans ces cas-là, t'as pas besoin de la prendre, pas quand t'es à 3-1, tu vois. C'est sûr. Mais oui, des illusions de Jordan Poole. Son match 5, je crois, il est à... Non, c'est le match 4, où il est à 0 chance au tir. Je ne sais pas combien de pertes de balles. Enfin, il n'y a rien. Jordan Poole. Ouais. Du coup, il faut qu'il réussisse à se remettre en confiance. Et ça, c'est à l'équipe de le faire. Ils le font plutôt bien en conférence de presse. Après, je ne sais pas comment ça se passe dans le vestiaire. Mais ouais, il va falloir qu'il réagisse bien. Et là-dessus, même Curry, il va falloir qu'il réagisse fort. Ce qu'il a fait au Game 5, j'ai bien aimé. Vas-y, il faut prouver pour après, mais je pense que ce sera trop juste. Trop juste parce que, comme on a dit depuis le début, il n'y a pas de solution sur Anthony Davis, et du coup, c'est... Sauf blessure. Parce qu'on sait que c'est possible. Sauf qu'en fait, s'il est là, il y a une dimension physique qui est impossible à combler pour les Warriors, en fait. Ouais, c'est ça. Puis les Lakers ont trop de taille, et c'est le point faible de Golden State. Ouais. Il y a trop de taille côté Lakers. Parce que et puis les Lakers, LeBron, jouer demi-terrain, ça leur va, tu vois. Bah ouais, c'est ça. Exactement. Bah même au contraire, ils veulent jouer demi-terrain tout ça. Et quand c'est toi qui impose le rythme parce que t'as la dimension physique et c'est toi qui décides de comment ralentir le terrain et tout, quand t'as le tempo, et que en plus de ça, en face, t'as un différentiel de taille, t'as un mismatch quasiment sur chaque poste, c'est compliqué, ouais. Oui, complètement. En revanche, sur le dernier match, on a retrouvé un vrai Andrew Wiggins. Moi j'ai bien aimé son apport. Offensivement, il a été bon, il a pris des bons shoots, bonnes réussites de loin. Et défensivement, solide. Le Wiggins qu'on connaît bien. Le Wiggins des finales de l'année dernière. Ouais, exactement. Et du coup, il faut qu'il continue comme ça. Limite, tu laisses Anthony Davis t'en mettre 50, mais derrière, l'équipe en met aucun, quoi, tu vois. Mais c'est compliqué à gérer. Je sais pas à quel point tu peux gérer ça. Je laisse ma carte à Steve Kerr. Vincent, ouais. Tu ferais quoi, toi? Franchement, je sais pas. C'est un poison. Enfin, pour moi, ils ont pas de solution, en fait. Si, pas moi, j'en connais une. T'as sur pas le Zaza Pachulia. Oh. Vas-y, tais-toi. Qui retourne en prison, ce bâtard. Tu peux pas. Pour moi, ils peuvent pas mettre un mec qui le défende. Et après, en fait, tu prends trop de risques si tu viens doubler, en fait. Enfin, ouais. Si tu viens doubler à chaque fois, en fait, tu prends trop de risques. Pour moi, c'est vraiment un calvaire à défendre, hein, Davis. C'est compliqué. Hein. Après, tu peux. Cette idée de doubler est pas mauvaise parce que les Lakers sont pas si adroits à 3 points sur la série. Pour moi, je doublerais en fait sur lui. C'est-à-dire que dès que le mec il touche la balle poste bas, bang, bang, bang, bang. Dès que le mec il drive, bang, bang, bang, bang. Pas adroit du tout. Hein. Donc, essayer de choper le pourcentage au tir à 3 points. Et le point, il lance beaucoup de shoot encore. Hein. Ouais, le point, c'est shoot 3 points. Il est quoi? Il a 27% à 3 points, je crois. Le Brown, il shoot 3 à 3 points. Alors, les Brown sur la série. C'est là qui parle, je pense. Est à 30% tout juste. 30%? Ouais. Et l'équipe sur la série est à 33 contre 38 pour les Warriors. Ah, ça, les Warriors, parce que ça shoot bien, c'est normal. Malgré Jordan Poole, c'est même logique, c'est leur identité. Oui, c'est clair. Mais on a connu les cartes plus. Mais il y a 50 points d'écart dans les points dans la raquette, quoi. Ouais. Ah, bah par contre, oui. Ça, c'est sûr. Le prono yes. On part sur le prono du Game 6. Allez. Les Lakers sont 6. Lakers in 6. Ouais. Je pense que ça se finit. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. J'ai très envie que les Warriors le poussent en 7. Donc moi, je vais dire Lakers en 7. Parce que j'ai vraiment envie que les Warriors le poussent en 7. Toi, t'aimes le basket, toi. Attends, Game 7, on veut tout voir de Game 7. Ouais, mais en fait, moi, je te dis... Le Game 6, il est au Staples Center, ouais, je sais. Ouais, mais Game 7, moi, je donne pas... Enfin, moi, Game 7, je suis d'accord avec toi. Cette série-là, je donne pas la victoire aux Lakers, forcément. Ouais, non, je suis d'accord avec toi, mais je pense que c'est très bien que l'autre malade mental de Curry, là... Je te rappelle que dernier game set qu'il a joué, il en a mis 50. Hein. Donc en fait, il va dire... c'était pas une petite équipe. Ah bah tiens, je viens de battre un record. Ça serait encore plus drôle si je le rebats le mien. Tiens, je vais en mettre, tiens, je vais en mettre 60. Tiens, la même je vais en mettre 60. Je vais un petit peu réécrire ma légende. Il y a combien d'équipes qui ont remonté 2 Sweet One Lead dans la même série. C'est chaud. En sachant qu'il y a une petite stat, LeBron James n'a jamais perdu en playoff. Du moment quand il mène 3. Ouais. Il est à 17-0. De toute façon, je crois que quand tu mènes 3-1, il n'y a pas genre 85% ou 90%. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'équipes qui ont remonté des 3-1. Ouais. Bah ouais, mais c'est compliqué. Il y en a... ouais, non, c'est... Par défi. Mais bon, après, on sait qu'ils peuvent le faire. En soi, tu vois, c'est pas impossible. On sait qu'ils peuvent le faire. Ils l'ont déjà fait. Ils ont le talent pour s'ils veulent, s'ils se réveillent. Mais ouais, je vois quand même les Lakers passer. Donc toi, tu as dit Game 7, Rémi? Ouais, moi je dis Lakers en 7. Et moi je rejoins Vincent sur un Lakers en 6. Ouais, je pense que c'est plus probable. Hein. Ouais, et puis... Ouais, ça a montré plus de sérénité. Les Warriors sont soit trop forts, soit pas assez bons. Alors que les Lakers sont toujours au moins suffisamment bons pour avoir un match serré, tu vois. Ouais. Donc voilà, je le vois comme d'ailleurs... ça. D'ailleurs, j'ai dit Game 6 au Staples Center, mais non, c'est à la crypto... La crypto.com Arena. C'est dégueulasse. Ouais, tu restes sur Staples, c'est très bien. Ouais. On avait tous compris. Oui. Les gars, on a une dernière chose à voir. Qu'est-ce que vous avez préféré cette semaine? Alors moi, si j'ai Jalen Brunson, Vincent l'a déjà pris. Si j'ai James Harden, Gus l'a déjà pris. Et ben c'est quoi? Je vais dire James Harden. Bah moi ouais. J'aurais dit aussi James Harden sur game J'hésitais avec Jokic parce que c'est trop fort, mais James Harden, vas-y, le game winner. Ouais. Le game winner, il m'a régalé, le match était trop beau, l'intensité était trop belle et voilà. Ouais. Bah moi j'ai le même coup de cœur que Ryan. Eh bien moi j'ai la dernière possession défensive des Lakers face aux Warriors sur le match 4. Ouais, sur le match 4. Avec, tu sais, la dernière possession côté Warriors et l'anticipation de LeBron. De LeBron, qui anticipe tout, qui switch sur tout. C'est, tu vois le ralenti, il avait déjà tout dans la tête. C'est trop bien joué. Ouais. On parle rarement des trucs comme ça dans l'émission. Je voulais juste On parle rarement de la défense de LeBron James. Surtout cette année, c'est vrai. Et là, pour le coup, il avait tout. Là, sur ces playoffs, là, je le trouve vraiment impliqué en défense. D'ailleurs, sur le deuxième tour, je l'ai pas dit dans la série, mais pour moi le meilleur défenseur quand même côté Lakers après Anthony Davis, ça reste quand même l'arbitre. Hein. Voilà, c'était la petite punch parce que je crois que c'est le game 3. Ouais, je crois que c'est le game 3, sans l'arbitre que dalle. Hein. Ça c'est méchant ça. Ouais, mais viens me prouver le contraire. Ça c'est pas faux ça. Moi, je voulais juste dire un petit mot avant parce que du coup, les All-NBA teams sont sortis. Du coup, on peut féliciter la All-NBA First Team, Giannis, Luca, Jojo, Shai Gilgeous-Alexander et Jason Tatum pour celle-ci. Et défensivement, on va pas dire les trois non plus. La défensive, où est-ce qu'elle se trouve? On a du Dylan Brooks, il me semble. Oh là là. Avec Je roule l'idée. Dylan Brooks, Evan Mobley. Je la retrouve plus dans mes notes. Ouais, il y a Brook Lopez et l'autre, je sais plus. Et Triple J. Jaren Jackson Jr. C'est ça. Nice. C'est ça. Yep. Logique. Et titre aussi, il est pas defensive team. Évidemment. On a aussi, du coup, un petit clin d'œil pour la fin de carrière de Céline Dumerc, Cocorico, qui a joué son dernier match ce week-end en carrière, et pour tout ce qu'elle a fait dans le basket pour le basket français, pour le basket féminin, en France et ailleurs, et ça méritait d'être notifié. Donc félicitations pour ta carrière, Céline, et merci pour tout. T'avais autre chose, mon Vince ? Il y a un gros GG à l'équipe de Monaco qui va quand même aller jouer le Final Four. Ah oui, mais oui, c'est vrai. Avec un match 5 de zinzin. Je n'ai pas regardé. J'ai pas encore regardé le replay en entier, mais j'ai regardé un replay rapide, je n'ai pas pu le voir en live. Et donc, du coup, on va avoir 9 Français qui vont jouer le Final Four de l'Euroleague. Oui. C'était pas arrivé depuis 99, je crois, non ? Pas un truc comme 97 ça. Qu'une équipe 97. Française n'avait pas été au Final Four. Et du coup, on a 9 Français parce qu'on a Auréal, il y a Gershon, enfin qui ne va pas jouer du coup, mais il y a Darrell Poirier, Vincent Poirier, Fabien Causeur. Et côté Monaco, il y a Strazel, Makundu, Okobo et Ouattara. Ouais. Et il y en a un, je ne sais plus où. Enfin bref, il y en a 9, mais on est bien représenté au Final Four. Et c'est des joueurs qui jouent, c'est pas des bouts de banc, enfin à Monaco aussi, mais c'est pas des bouts de banc qui jouent pas et qui... Ouais. Ils seront là sur la photo en tout cas. En parlant de Français qui jouent, moi je tiens à dire... C'est Moustapha Fall, à l'Olympiakos. Ah bah oui, c'est ça, yes. Bien vu. Oui, en parlant de Français qui jouent et qui ont du talent, moi je vais voir Victor demain, voilà, je vous ferai un petit débrief. Régale-toi, profites-en. Petit spoiler, il est grand. Ah ouais ? Putain, je m'y attendais pas. Allez, c'est sur ces mots que nous nous quittons. C'est ainsi que se termine cette émission. On espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez retrouver les épisodes précédents sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Google Podcasts. On est aussi sur les réseaux sociaux, Instagram et Twitter, @WakeUpNBA. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de l'actualité des playoffs. Vive le basket, vive la NBA. Ciao. Ciao tout le monde. Bon playoff à tous.